Dans la tête, ça lui qu'une marijuana. Mon tu n'es qui pèse qu'une adouana. La pure de Tijuana. Qu'est-ce que tu ferais pour du Gavana? Pour la familia, je veux les 100 millions. Tu pètes un verre de ton Pérignon. Tu pètes des milliers, moi je le sens pitié. J'ai les nerfs rapides, faut t'en reste mignon. Pas faux sur l'allée, ouais, je lève le Yamaha. Sans pour qu'à parler, prenez les croix, qu'est-ce marrant. Allez, je n'ai pas pu au démarrage. Calé, j'ai fini à débarras. Et si veulent la guerre, t'inquiète pas, on est là. On fait déjà la paire, ça suffit pour les lâches. C'est pas ma mère qui va pleurer des larmes. Et on sait qui sont les hommes. Ça suffit pour les lâches. Et on sait qui sont les hommes. Pas là pour vendre, pour te représenter. Tous les quartiers, t'as tous les cantés. Gamo chanté, ça peut plus penser. Avant de dormir, les problèmes résonnent comme toi. Je vois des petits faire comme moi. Je leur dis, inspire-toi. S'il y a du bien, m'en vrai, fais comme toi. Ta coche remplie de détails, fais tout partir et tu tailles. T'auras pas de médaille, de toute façon, ça veut pas le succès. En bas, ça veut des balles, tu sais, sortir l'excuse. En bas, ça veut des balles, tu sais, sortir l'excuse. Et y'a rien à faire. J'suis en bas, cher, deux, trois affaires. Bébé, t'as pas à t'enfermer. Si trouve la cachette, j'pars pour cet enfer. Des fois, j'parle tout seul. Cherche réponse à mes questions. Des fois je parle tout seul. Cherche réponse à mes questions. Pas là pour se vendre, pour se représenter.